Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 93e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du deuxième dialogue de la troisième leçon en nous intéressant à une nouvelle question de Khaled ainsi qu'à la réponse de Mohammed. Dans les deux répliques précédentes, Khaled avait interrogé Mohammed pour connaître le nombre d'unités de prière qui composait la prière de l'aube. Dans la suite du dialogue, Khaled pose la même question, mais cette fois au sujet de la prière de midi. وكم ركعة صلاة الظهر؟ أربع ركعات في الظهر وأربع ركعات في العصر أيضا. Concernant la nouvelle question de Khaled, les cinq termes qui la composent ont tous été déjà étudiés dans les cours 80 à 92. Elle ne présente donc aucune difficulté. Elle commence par la particule waw, qui correspond à la conjonction « et » en français. Ensuite, nous avons le pronom interrogatif « kem » qui correspond à l'adverbe « combien ?»« Rak'a » qui signifie « unité de prière »« Salah » qui désigne la prière rituelle et « al-dhur » qui signifie « midi » ou « le milieu de la journée ». Comme cette question de Khaled est construite exactement sur le même modèle que la précédente, on comprend facilement ce qu'elle signifie. وَكَمْ رَكْعَةً صَلَاةُ الظُّهْرِ De combien d'unités est constituée la prière du midi? Ou encore, combien y a-t-il d'unités dans la prière de midi? Concernant les règles de grammaire, il n'y a rien de nouveau dans cette question, car nous les avons toutes abordées précédemment dans cette série de mini-cours et résumées dans le cours 92. Nous pouvons donc passer maintenant directement à la réponse de Mohammed. أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ وأربع ركعات في العصر أيضا. Dans cette phrase, deux mots seulement sont nouveaux. أربع qui correspond au chiffre 4 et ركعات qui est le pluriel du nom ركعة qui désigne une unité de prière. Les autres mots contenus dans cette phrase ont déjà été étudiés dans les cours précédents. في qui correspond aux prépositions à ou dans. الظهر qui signifie midi ou le milieu de la journée. Al-Asr, qui correspond à l'après-midi ou la fin de l'après-midi. Aydan, qui signifie aussi ou également. Arba'u raka'atin fi dhuhri wa arba'u raka'atin fi l'asri aydan. En traduisant cette phrase mot à mot, on obtient donc en français 4 unités de prière à midi et 4 unités de prière dans l'après-midi aussi. Dans cette phrase, les noms Al-Dhuhr et Al-Asr désigne deux moments de la journée où sont accomplies les prières des musulmans, et ils font donc référence en réalité à Salatul Dhuhri, la prière du midi, et Salatul Asri, la prière de l'après-midi. En effet, lorsqu'une personne dit Sallaytul Dhuhr ou bien Sallaytul Asr, on comprend qu'elle veut dire en réalité Sallaytul Salatul Dhuhr ou bien Sallaytul Salatul Asr, ce qui signifie j'ai prié la prière du midi, ou pour le deuxième exemple, j'ai prié la prière de l'après-midi. On pourrait donc aussi traduire cette phrase en français en disant 4 unités à la prière du midi et 4 unités à la prière de l'après-midi. Du point de vue de la grammaire, il n'y a rien de très nouveau dans cette phrase. Comme le chiffre 4 se situe entre 3 et 10, le nom Arba'u est annexé au nom Raka'at et il s'accorde avec le genre opposé du nom qu'il dénombre. Comme le nom Raka'at est de genre féminin, le nom Arba'u est indiqué sous sa forme du masculin. On doit donc bien dire Arba'u Raka'at et non pas Arba'atu Raka'at. Le nom dénombré, quant à lui, est indiqué sous sa forme du pluriel et comme il remplit la fonction d'annexant, Mudafun ilayhi, il est décliné au cas indirect et sa terminaison est marquée par la voyelle Kasra. Arba'u Raka'atin. 4 unités de prière. Voilà pour aujourd'hui, ce 93e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve, Inch'Allah, vendredi, avec le 94e mini-cours, qui sera consacré à l'étude des deux répliques suivantes de ce dialogue entre Khaled et Mohammed. Wassalamu alaikum.